Marie, on s'arrête, mec, on sera genre chez Sarim. On se vole ton récord, je pars, on est mes malins ou pas. En réalité, personne n'est innocent. Nous sommes tous des cobayes perdus dans une foule de spectres entourés de fantômes indifférents. C'est l'entrée hantée de la connaissance. En réalité, nous sommes tous étranges. On sait faire quelque chose avec nos têtes, nos mains, nos ventres. Ouais, nous sommes nos propres peuples. Un seul mot suffit, ouais. Les créatures de l'angoisse. Banalité. Tu crois que pourquoi on vit que les vies pathétiques. Banalité. Un seul mot suffit. Ouais. Histoire de chichon pour une histoire de prison. Frustré de la vie pour un été repenti. Se venge avec une revanche bidon. Et c'est un bon cadeau qu'on s'enferme derrière des cadeaux. C'est pas grave, y'a que le rêve qui tombe à l'eau. Dans une montre à l'eau, le tour stéréo. C'est pas le tour d'être autonome, il faut être indépendant grand. À 35 ans, mon grand-oncle habite encore chez ses parents. Je voulais juste une fille qui me parle, mais j'ai fait le con et maintenant j'ai mal. Passons le temps à l'éviter, mes pensées me font l'éviter. Je te l'ai déjà dit, tu le sais. Pour ce qui est d'une douce princesse sur le côté, ici récale les pavés. Et seul lampadaire essaye de m'allumer. Mais seuls mes rimes m'ont embrassé. T'étonnes pas si je les ai jetés comme les pavés. J'entends le clairon sonner, les connards chanter, les coupinettes, les claquettes, les péquettes, les baskets, les claquettes, les portes, les baffes, ça claque. Les meufs fument et crachent, y'a plus de beauté que des bonasses, crasse, crasse. Assis sur des bouteilles de Jet 27. Les clubs se consument, on rêve de capot, de capote, de colpinette dans la G7. On reste en capote et beaucoup luttent en test face à l'alignement de la route. Des traits, des points au fond du bouillé avec ma guitare toute ridée, je fais le point. Des traits tirés, des gosses tirés, on se tire et on tire. Entrée, assis sur un banc à contempler toutes les élèves qui ont déjà tenu une bite. Bite d'amarrage, on veut se marrer à notre âge, mais on n'y arrive pas. Pleine est la page, certains veulent nous voir en cage. Mais la délinquance est moins banale que la violence de ceux qui mourront dans les sarcophages. Des entreprises aux entrepôts, aux anthropophages. En passant par les facochères, tout cela nous coûtera cher. Ah, ah, ah. Aïe, Dieu et ton âme, il voulait l'égalité des hommes et de la femme avec un grand H et un petit F, moule cul et pas d'F. Quelques années, on les louera et ça fera du bénéf. Lâche-moi, ne me lynche pas, sinon on se reverra. Sinon celui-là, c'est que je suis pas allé voir le psychologue de pochette surprise tout petit. Il serait temps que tu comprennes que mes feuilles, je les trouve par terre. Il serait temps que tu comprennes que je n'aurai jamais d'amis parce que je vis en solitaire. Il serait temps que tu comprennes que tout ça ne l'amuse pas, que ces jours n'ont pas de soleil. Les manies sont manies, papa paresse mais par jeu. Alors flip, macho, oui mais pas pour rien, juste pour les femmes, militant pour le fun, tiens, tu connais ma vie, des filles fans, tu n'es qu'enfant, un enfant, une question a suffi pour me briser la vie, mais quand j'embrasserai, ce sera par love, tu sais pas ce que j'innove, y'a que du pauvre, pas de mauve, il n'y a pas de fauve, on est tous notre première fois avec notre merde et notre haine, ici personne ne voit ce qui lui fait la peine. Les albatros rués de coups ne sont pas toujours debout. La terre est bleue comme une orange. Les gestes sont mécaniques sauf quand on mange. Alors on se dit que toutes ces salopes, c'est à cause d'elles qui voulaient nous attirer que l'amour. Des sirènes, on reste loin de toute histoire d'amour. Crache et hurle des cravats de vitres sous la pluie. On n'y danse plus, on crie. Dort sur un clic-clac, cric-crac. Tous volent et certains cherchent du crack. Les portes claquent, on rêve d'un homme, d'une femme. On aime les claques. B-E-P, C-A, B-B-A-C, on garde le cap. Même en écoutant B-E-P, tant qu'on a paniqué la bac. Je dis son rêve de mondialisation, on en reste à exploitation. Trouve ça pathétique de façon. On va tous crever, pourquoi pas se lever et allumer un flic qui comme nous est abusif. Passons la merde, on a presque tous vu ça. Qu'est-ce que tu crois, c'est chacun pour soi. On est des bébés qui se prennent pour des adultes qui restent enfants. On en ressort BCBG, enfermés dans des cases de BD. La case de l'oncle Sam, déjà d'avance dessinée, stéréotypée. Je m'ouvre en boîte et en DV. 5 jours par semaine, interne en psychiatrie. Plein de fous qui crient, vive la patrie. Peut-être avec une fille, je rirai aux éclats. Mais là, je m'éclate en sanglots dans des éclats de verre brisés d'autres soins et Ibiza. Je voulais dire, je voulais jouer le résumé des vecteurs old school, nouveauté. Tous des ânes battés, des âmes empotées, des petits hommes bottés pour finir en beauté. Un couteau derrière la porte et au-dessus des poignets. Ils veulent pas crever comme ça. Moi, finalement, je veux pas crever. Si j'en suis là, c'est parce que je m'ouvrais et sur ma vie, mes bras en formaient une croix. Ils voulaient être le plus grand, le plus fort. On voulait se montrer. On a gâché nos vies et on rase du duvet. Je mourrai dans mon duvet au fond de la forêt, anarchiste. Mais je mourrai pour moi. Il n'en reste qu'une banalité. Et seules les routes sont droites. Les rues sont si sombres, les esprits du peuple sont empris d'ombre. Devant leur télé, espace, espace, en face. On a brisé le passé, on est loin de la réalité. Car l'État nous gouverne comme des pions. Les infos nous disent, ils disent, les casseurs sont des petits cons. La jeunesse se révolte, la jeunesse du nouvel air. Le cocktail Molotov envoyé dans les airs. Quand les mères chialent sur les éclats de réverbères en feu. Yeah.